Chapitre 27 Les grands froids de Noël. Il y eut alors un moment de désespoir. La pensée de la mort, et de la mort par le froid, apparut dans toute son horreur. Ce dernier morceau de charbon brûlait avec un crépitement sinistre. Le feu menaçait déjà de manquer, et la température de la salle s'abaissait sensiblement. Mais Johnson alla chercher quelques morceaux de ce nouveau combustible que lui avaient fourni les animaux marins et il en chargea le poêle. Il y ajouta de l'étoupe imprégnée d'huile gelée et obtint bientôt une chaleur suffisante. L'odeur de cette graisse était fort insupportable, mais comment s'en débarrasser? Il fallait s'y faire. Johnson convint lui-même que son expédient laissait à désirer et n'aurait aucun succès dans les maisons bourgeoises de Liverpool. Et pourtant, ajouta-t-il, cette odeur fort déplaisante amènera peut-être de bons résultats. Et lesquels donc ? Demanda le charpentier. Elle attirera sans doute les ours de notre côté, car ils sont friands de ces émanations. Bon, répliqua Bell, et la nécessité d'avoir des ours. Ami Bell, répondit Johnson, il ne nous faut plus compter sur les phoques. Ils ont disparu et pour longtemps. Si les ours ne viennent pas à leur tour fournir leur part de combustible, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Tu dis vrai, Johnson. Notre sort est loin d'être assuré. Cette situation est effrayante, et si ce genre de chauffage vient à nous manquer, je ne vois trop le moyen. Il y en aurait encore un. Encore un ? Reprit Bell. Oui, Bell, en désespoir de cause, mais jamais le capitaine, et cependant, il faudra peut-être en venir là. Le vieux Johnson secoua tristement la tête et tomba dans des réflexions silencieuses dont Bell ne voulut pas le tirer. Il savait que ces morceaux de graisse si péniblement acquis ne dureraient pas 8 jours, malgré la plus sévère économie. Le maître d'équipage ne se trompait pas. Plusieurs ours, attirés par ces exhalaisons fétides, furent signalés sous le vent du forward. Les hommes valides leur donnèrent la chasse, mais ces animaux sont doués d'une vitesse remarquable et d'une finesse qui déjoue tous les stratagèmes. Il fut impossible de les approcher, et les balles les plus adroites ne purent les atteindre. L'équipage du brick fut sérieusement menacé de mourir de froid. Il était incapable de résister 48 heures à une température pareille qui envahirait la salle commune. Chacun voyait venir avec terreur la fin du dernier morceau de combustible. Or, cela arriva le 20 décembre, à 3 heures du soir. Le feu s'éteignit. Les matelots, rangés en cercle autour du poêle, se regardaient avec des yeux hagards. La terrasse demeurait immobile dans son coin. Le docteur, suivant son habitude, se promenait avec agitation. Il ne savait plus à quoi s'ingénier. La température tomba subitement dans la salle à 7 degrés au-dessous de zéro, moins 22 degrés centigrades. Mais si le docteur était à bout d'imagination, s'il ne savait plus que faire, d'autres le savaient pour lui. Aussi Shandon, froid et résolu, Penn, la colère aux yeux, et 2 ou 3 de leurs camarades, de ceux qui pouvaient encore se traîner, s'avancèrent vers la terrasse. « Capitaine !» dit Shandon. Atterras, absorbé dans ses pensées, ne l'entendit pas. « Capitaine !» répéta Shandon en le touchant de la main. Atterras se redressa. « Monsieur » dit-il. « Capitaine, nous n'avons plus de feu. »« Eh bien !» répondit Atterras. « Si votre intention est que nous mourions de froid, » reprit Shandon avec une terrible ironie, « nous vous prions de nous en informer. »« Mon intention !» répondit Atterras d'une voix grave, « et que chacun ici fasse son devoir jusqu'au bout. »« Il y a quelque chose au-dessus du devoir, capitaine, » répondit le second. « C'est le droit à sa propre conservation. Je vous répète que nous sommes sans feu, et si cela continue dans 2 jours, pas un de nous ne sera vivant. »« Je n'ai pas de bois, » répondit sourdement Atterras. « Eh bien !» s'écria violemment Penn. « Quand on n'a plus de bois, on va en couper, ou il en pousse. » Atterras pâlit de colère. « Où cela ? » dit-il. « À bord !» répondit insolemment le matelot. « À bord !» reprit le capitaine, les poings crispés, l'œil étincelant. « Sans doute !» répondit Penn. « Quand le navire n'est plus bon à porter son équipage, on brûle le navire !» Au commencement de cette phrase, Atterras avait saisi une hache. À la fin, cette hache était levée sur la tête de Penn. « Misérable ! » s'écria-t-il. Le docteur se jeta au-devant de Penn, qu'il repoussa. La hache, retombant à terre, entailla profondément le plancher. Johnson, Bell et Simpson, groupés autour d'Atterras, paraissaient décidés à le soutenir. Mais des voix lamentables, plaintives, douloureuses, sortirent de ces cadres transformés en lits de mort. Du feu, du feu !» criaient les infortunés malades, envahis par le froid sous leur couverture. Terrasse fit un effort sur lui-même, et après quelques instants de silence, il prononça ces mots d'un ton calme. « Si nous détruisons notre navire, comment regagnerons-nous l'Angleterre ?»« Monsieur, répondit Johnson, on pourrait peut-être brûler sans inconvénient les parties les moins utiles, le plat-bord, les bastingages. »« Il resterait toujours les chaloupes, reprit Shandon. Et d'ailleurs, qui nous empêcherait de reconstruire un navire plus petit avec les débris de l'ancien ?»« Jamais, répondit Hatteras. Mais, reprirent plusieurs matelots en élevant la voix. « Nous avons de l'esprit de vin en grande quantité, » répondit Hatteras. « Brûlez-le jusqu'à la dernière goutte. »« Eh bien, va pour de l'esprit de vin, » répondit Johnson avec une confiance affectée qui était loin de son cœur. Et à l'aide de larges mèches trempées dans cette liqueur, dont la flamme pâle léchait les parois du poêle, il put élever de quelques degrés la température de la salle. Pendant les jours qui suivirent cette scène désolante, le vent revint dans le sud, le thermomètre remonta, la neige tourbillonna dans une atmosphère moins rigide. Quelques-uns des hommes purent quitter le navire aux heures les moins humides du jour, mais les ophtalmies et le scorbut retinrent la plupart d'entre eux à bord. D'ailleurs, ni la chasse ni la pêche ne furent praticables. Au reste, ce n'était qu'un répit dans les atroces violences du froid, et le 25, après une saute de vent inattendue, le mercure gelé disparut de nouveau dans la cuvette de l'instrument. On dut alors s'en rapporter au thermomètre à esprit de vin que les plus grands froids ne parviennent pas à congeler. Le docteur, épouvanté, le trouva à 66 degrés au-dessous de zéro, moins 52 centigrades. C'est à peine s'il avait jamais été donné à l'homme de supporter une telle température. La glace s'étendait en longs miroirs ternis sur le plancher, un épais brouillard envahissait la salle, l'humidité retombait en neige épaisse, on ne se voyait plus. La chaleur humaine se retirait des extrémités du corps, les pieds et les mains devenaient bleus, la tête se cerclait de fer, et la pensée confuse, amoindrie, gelée, portait au délire. Symptôme effrayant, la langue ne pouvait plus articuler une parole. Depuis ce jour où on le menaça de brûler son navire, Hatteras rôdait pendant de longues heures sur le pont. Il surveillait, il veillait. Ce bois, c'était sa chair à lui. On lui coupait un membre en coupant un morceau. Il était armé et faisait bonne garde, insensible au froid, à la neige, à cette glace qui roidissait ses vêtements et l'enveloppait comme une cuirasse de granit. Duke, le comprenant, aboyait sur ses pas et l'accompagnait de ses hurlements. Cependant, le 25 décembre, il descendit à la salle commune. Le docteur, profitant d'un reste d'énergie, alla droit à lui. « Hatteras, lui dit-il, nous allons mourir, faute de feu. »« Jamais, » fit Hatteras, sachant bien à quelle demande il répondait ainsi. « Il le faut, » reprit doucement le docteur. « Jamais, » reprit Hatteras avec plus de force. « Jamais je n'y consentirai. Que l'on me désobéisse, si l'on veut. » C'était la liberté d'agir donnée ainsi. Johnson et Bell s'élancèrent sur le pont. Hatteras entendit le bois de son brick craquer sous la hache. Il pleura. Ce jour-là, c'était le jour de Noël, la fête de la famille. En Angleterre, la soirée des réunions enfantines. Quel souvenir amer que celui de ces enfants joyeux autour de leur arbre enrubanné. Qui ne se rappelait ces longues pièces de viande rôtie que fournissait le bœuf engraissé pour cette circonstance? Et ces tourtes, ces mince pies, où les ingrédients de toutes sortes se trouvent amalgamés pour ce jour si cher aux cœurs anglais. Mais ici, la douleur, le désespoir, la misère à son dernier degré, et pour bûche de Noël, ces morceaux du bois d'un navire perdu au plus profond de la zone glaciale. Cependant, sous l'influence du feu, le sentiment et la force revinrent au cœur des matelots. Les boissons brûlantes de thé ou de café produisirent un bien-être instantané, et l'espoir est chose si tenace à l'esprit que l'on se reprit à espérer. Ce fut dans ces alternatives que se termina cette funeste année 1860, dont le précoce hiver avait déjoué les hardis projets d'Hatteras. Or, il arriva que précisément ce 1er janvier 1861 fut marqué par une découverte inattendue. Il faisait un peu moins froid. Le docteur avait repris ses études accoutumées. Il lisait les relations de Sir Edward Belcher sur son expédition dans les mers polaires. Tout d'un coup, un passage inaperçu jusqu'alors le frappa d'étonnement. Il relut et ne put s'y méprendre. Sir Edward Belcher racontait qu'après être parvenu à l'extrémité du canal de la Reine, il avait découvert des traces importantes du passage et du séjour des hommes. Ce sont, disait-il, des restes d'habitations bien supérieurs à tout ce qu'on peut attribuer aux habitudes grossières des tribus errantes d'Esquimaux. Leurs murs sont bien assis dans le sol profondément creusé. L'aire de l'intérieur, recouverte d'une couche épaisse de beau gravier, a été pavée. Des ossements de rennes, de morses, de phoques s'y voient en grande quantité. Nous rencontrâmes du charbon. » Au dernier mot, une idée surgit dans l'esprit du docteur. Il emporta son livre et vint le communiquer à Terras. « Du charbon ? » s'écria ce dernier. « Oui, à Terras, du charbon, c'est-à-dire le salut pour nous. » « Du charbon sur cette côte déserte ?» reprit Hatteras. « Non, cela n'est pas possible. »« Pourquoi en douter, Hatteras ? Belcher n'eût pas avancé un tel fait sans en être certain, sans l'avoir vu de ses propres yeux. »« Eh bien, après, docteur, nous ne sommes pas à 100 miles de la côte où Belcher vit ce charbon. Qu'est-ce qu'une excursion de 100 miles ? Rien. On a souvent fait des recherches plus longues à travers les glaces et par des froids aussi grands. Partons donc, capitaine. » Partons, s'écria Hatteras, qui avait rapidement pris son parti, et avec la mobilité de son imagination, entrevoyait des chances de salut. Johnson fut aussitôt prévenu de cette résolution, il approuva fort le projet. Il le communiqua à ses camarades, les uns y applaudirent, les autres l'accueillirent avec indifférence. « Du charbon sur ses côtes, » dit Wall, enfoui dans son lit de douleur. « Laissons-les faire, » lui répondit mystérieusement Shandon. Mais, avant même que les préparatifs du voyage fussent commencés, Hatteras voulut reprendre avec la plus parfaite exactitude la position du Forward. On comprend aisément l'importance de ce calcul et pourquoi cette situation devait être mathématiquement connue. Une fois loin du navire, on ne saurait le retrouver sans chiffres certains. Hatteras monta donc sur le pont. Il recueillit, à divers moments, plusieurs distances lunaires et les hauteurs méridiennes des principales étoiles. Ces observations présentaient de sérieuses difficultés, car par cette basse température, le verre et les miroirs des instruments se couvraient d'une couche de glace au souffle d'Hatteras. Plus d'une fois, ses paupières furent entièrement brûlées en s'appuyant sur le cuivre des lunettes. Cependant, il put obtenir des bases très exactes pour ses calculs et il revint les chiffrer dans la salle. Quand ce travail fut terminé, il releva la tête avec stupéfaction, prit sa carte, la pointa et regarda le docteur. « Eh bien ? » demanda celui-ci. « Par quelle latitude nous trouvions-nous au commencement de l'hivernage ?»« Mais par 78 degrés 15 minutes de latitude et 95 degrés 35 minutes de longitude, précisément au pôle du froid. »« Eh bien ? » ajouta Hatteras à voix basse. « Notre champ de glace dérive. Nous sommes de 2 degrés plus au nord et plus à l'ouest, à 300 miles au moins de votre dépôt de charbon. » Et ces infortunés qui ignorent, s'écria le docteur. Silence, fit Hatteras en portant son doigt à ses lèvres. Chapitre 28. Préparatifs de départ. Hatteras ne voulut pas mettre son équipage au courant de cette situation nouvelle. Il avait raison. Ces malheureux, se sachant entraînés vers le nord avec une force irrésistible, se fussent livrés peut-être aux folies du désespoir. Le docteur le comprit et approuva le silence du capitaine. Celui-ci avait renfermé dans son cœur les impressions que lui causait cette découverte. Ce fut son premier instant de bonheur depuis ces longs mois passés dans sa lutte incessante contre les éléments. Il se trouvait reporté à 150 miles plus au nord, à peine à 8 degrés du pôle. Mais cette joie, il la cacha si profondément que le docteur ne put pas même la soupçonner. Celui-ci se demanda bien pourquoi l'œil d'Hatteras brillait d'un éclat inaccoutumé. Mais ce fut tout, et la réponse si naturelle à cette question ne lui vint même pas à l'esprit. Le Forward, en se rapprochant du pôle, s'était éloigné de ce gisement de charbon observé par Sir Edward Belcher. Au lieu de 100 miles, il fallait, pour le chercher, revenir de 250 miles vers le sud. Cependant, après une courte discussion à cet égard entre Hatteras et Klaoboni, le voyage fut maintenu. Si Belcher avait dit vrai, et l'on ne pouvait mettre sa véracité en doute, les choses devaient se trouver dans l'état où il les avait laissées. Depuis 1853, pas une expédition nouvelle ne fut dirigée vers ces continents extrêmes. on ne rencontrait que peu ou point d'Esquimaux sous cette latitude. La déconvenue arrivée à l'île Bichet ne pouvait se reproduire sur les côtes du nouveau Cornouailles. La basse température de climat conservait indéfiniment les objets abandonnés à son influence. Toutes les chances se réunissaient donc en faveur de cette excursion à travers les glaces. On calcula que ce voyage pouvait durer 40 jours au plus et les préparatifs furent faits par Johnson en conséquence. Ses soins se portèrent d'abord sur le traîneau. Il était de forme groenlandaise, large de 35 pouces et long de 24 pieds. Les Esquimaux en construisent qui dépassent souvent 50 pieds de longueur. Celui-ci se composait de longues planches recourbées à l'avant et à l'arrière et tendues comme un arc par deux fortes cordes. Cette disposition lui donnait un certain ressort de nature à rendre les chocs moins dangereux. Ce traîneau courait aisément sur la glace, mais par les temps de neige, lorsque les couches blanches n'étaient pas encore durcies, on lui adaptait deux châssis verticaux juxtaposés et élevé de la sorte, il pouvait avancer sans accroître son tirage. D'ailleurs, en le frottant d'un mélange de soufre et de neige, suivant la méthode Esquimaux, il glissait avec une remarquable facilité. Son attelage se composait de 6 chiens. Ces animaux, robustes malgré leur maigreur, ne paraissaient pas trop souffrir de ce rude hiver. Leur harnais de peau de daim était en bon état. On devait compter sur cet équipage que les Groenlandais du Pernavik avaient vendu en conscience. À eux six, ces animaux pouvaient traîner un poids de 2000 livres sans se fatiguer outre mesure. Les effets de campement furent une tente, pour le cas où la construction d'une snow house serait impossible, une large toile de Mackintosh destinée à s'étendre sur la neige, qu'elle empêchait de fondre au contact du corps, et enfin plusieurs couvertures de laine et de peau de buffle. De plus, on emporta l'alcool boat. Les provisions consistèrent en 5 caisses de pemmican pesant environ 450 livres. On comptait 1 livre de pemmican par homme et par chien. Ceci était au nombre de 7, en comprenant Duke. Les hommes ne devaient pas être plus de 4. On emportait aussi 12 gallons d'esprit de vin, c'est-à-dire 150 livres à peu près, du thé, du biscuit en quantité suffisante, une petite cuisine portative avec une notable quantité de mèches et d'étoupes, de la poudre, des munitions et 4 fusils à 2 coups. Les hommes de l'expédition, d'après l'invention du capitaine Parry, devaient se ceindre de ceintures en caoutchouc dans lesquelles la chaleur du corps et le mouvement de la marche maintenaient du café, du thé et de l'eau à l'état liquide. Johnson soigna tout particulièrement la confection des snowshoes, fixées sur des montures en bois garnies de lanières de cuir. Elles servaient de patins. Sur les terrains entièrement glacés et durcis, les mocassins de peau de daim les remplaçaient avec avantage. Chaque voyageur dut être muni de 2 paires des unes et des autres. Ces préparatifs si importants, puisqu'un détail omis peut amener la perte d'une expédition, demandèrent 4 jours pleins. Chaque midi, Hatteras eut soin de relever la position de son navire. Il ne dérivait plus et il fallait cette certitude absolue pour opérer le retour. Hatteras s'occupa de choisir les hommes qui devaient le suivre. C'était une grave décision à prendre. Quelques-uns n'étaient pas bons à emmener, mais on devait aussi regarder à les laisser à bord. Cependant, le salut commun, dépendant de la réussite du voyage, il parut opportun au capitaine de choisir avant tout des compagnons sûrs et éprouvés. Shandon se trouva donc exclu. Il ne manifesta d'ailleurs aucun regret à cet égard. James Wall, complètement alité, ne pouvait prendre part à l'expédition. L'état des malades au surplus n'empirait pas. Leur traitement consistait en frictions répétées et en fortes doses de jus de citron. Il n'était pas difficile à suivre et ne nécessitait aucunement la présence du docteur. Celui-ci se mit donc en tête des voyageurs et son départ n'amena pas la moindre réclamation. Johnson eut vivement désiré accompagner le capitaine dans sa périlleuse entreprise, mais celui-ci le prit à part et d'une voix affectueuse, presque émue, « Johnson, lui dit-il, je n'ai de confiance qu'en vous. Vous êtes le seul officier auquel je puisse laisser mon navire. Il faut que je vous sache là pour surveiller Shandon et les autres. Ils sont enchaînés ici par l'hiver, mais qui sait les funestes résolutions dont leur méchanceté est capable ? Vous serez muni de mes instructions formelles qui remettront au besoin le commandement entre vos mains. Vous serez un autre moi-même. Notre absence durera 4 à 5 semaines au plus et je serai tranquille, vous ayant là où je ne puis être. Il vous faut du bois, Johnson, je le sais, mais autant qu'il sera possible, épargnez mon pauvre navire. Vous m'entendez, Johnson ? Je vous entends, capitaine, répondit le vieux marin, et je resterai, puisque cela vous convient ainsi. Merci, dit Hatteras en serrant la main de son maître d'équipage, et il ajouta, si vous ne nous voyez pas revenir, Johnson, attendez jusqu'à la débâcle prochaine, et tâchez de pousser une reconnaissance vers le pôle. Si les autres s'y opposent, ne pensez plus à nous, et ramenez le Forward en Angleterre. C'est votre volonté, capitaine ? Ma volonté absolue, répondit Hatteras. Vos ordres seront exécutés, dit simplement Johnson. Cette décision prise, le docteur regretta son digne ami, mais il dut reconnaître qu'Hatteras faisait bien en agissant ainsi. Les deux autres compagnons de voyage furent Bell, le charpentier, et Simpson. Le premier, bien portant, brave et dévoué, devait rendre de grands services pour les campements sur la neige. Le second, quoique moins résolu, accepta cependant de prendre part à une expédition dans laquelle il pouvait être fort utile en sa double qualité de chasseur et de pêcheur. Ainsi, ce détachement se composa d'Hatteras, de Clawbonny, de Bell, de Simpson et du fidèle Duke. C'était donc 4 hommes et 7 chiens à nourrir. Les approvisionnements avaient été calculés en conséquence. Pendant les premiers jours de janvier, la température se maintint en moyenne à 33 degrés au-dessous de zéro, moins 37 degrés centigrades. Hatteras guettait avec impatience un changement de temps. Plusieurs fois, il consulta le baromètre. Mais il ne fallait pas s'y fier. Cet instrument semble perdre sous les hautes latitudes sa justesse habituelle. La nature, dans ces climats, apporte de notables exceptions à ses lois générales. Ainsi, la pureté du ciel n'était pas toujours accompagnée de froid, et la neige ne ramenait pas une hausse dans la température. Le baromètre restait incertain, ainsi que l'avaient déjà remarqué beaucoup de navigateurs des mers polaires. Il descendait volontiers avec des vents du nord et de l'est. Bas, il amenait du beau temps, haut, de la neige ou de la pluie. On ne pouvait donc compter sur ces indications. Enfin, le 5 janvier, une brise de l'est ramena une reprise de 15 degrés. La colonne thermométrique remonta à 18 degrés au-dessous de zéro, moins 28 degrés centigrades. Hatteras résolut de partir le lendemain. Il n'y tenait plus à voir sous ses yeux dépecer son navire. La dunette avait passé tout entière dans le poêle. Donc, le 6 janvier, au milieu de rafales de neige, l'ordre du départ fut donné. Le docteur fit ses dernières recommandations aux malades. Bell et Simpson échangèrent de silencieux serrements de main avec leurs compagnons. Hatteras voulut adresser ses adieux à haute voix, mais il se vit entouré de mauvais regards. Il crut surprendre un ironique sourire sur les lèvres de Shandon. Il se tut. Peut-être même hésita-t-il un instant à partir en jetant les yeux sur le Forward. Mais il n'y avait pas à revenir sur sa décision. Le traîneau chargé et attelé attendait sur le champ de glace. Bell prit les devants, les autres suivirent. Johnson accompagna les voyageurs pendant un quart de mile. Puis Hatteras le pria de retourner à bord, ce que le vieux marin fit après un long geste d'adieu. En ce moment, Hatteras, se retournant une dernière fois vers le brick, vit l'extrémité de ses mâts disparaître dans les sombres neiges du ciel. Chapitre 29. À travers les champs de glace. La petite troupe descendit vers le sud-est. Simpson dirigeait l'équipage du traîneau. Duke l'aidait avec zèle, ne s'étonnant pas trop du métier de ses semblables. Hatteras et le docteur marchaient derrière, tandis que Bell, chargé d'éclairer la route, s'avançait en tête, sondant les glaces du bout de son bâton ferré. La hausse du thermomètre annonçait une neige prochaine. Celle-ci ne se fit pas attendre et tomba bientôt en épais flocons. Ces tourbillons opaques ajoutaient aux difficultés du voyage. On s'écartait de la ligne droite. On n'allait pas vite. Cependant, on put compter sur une moyenne de 3 miles à l'heure. Le champ de glace, tourmenté par les pressions de la gelée, présentait une surface inégale et raboteuse. Les heurts du traîneau devenaient fréquents et, suivant les pentes de la route, il s'inclinait parfois sous des angles inquiétants. Mais enfin, on se tira d'affaire. Hatteras et ses compagnons se renfermaient avec soin dans leurs vêtements de peau taillés à la mode groenlandaise. Ceux-ci ne brillaient pas par la coupe, mais ils s'appropriaient aux nécessités du climat. La figure des voyageurs se trouvait encadrée dans un étroit capuchon impénétrable au vent et à la neige. La bouche, le nez, les yeux subissaient seuls le contact de l'air, et il n'eût pas fallu les en garantir. Rien d'incommode comme les hautes cravates et les cache-nez, bientôt roidis par la glace. Le soir, on n'eût pu les enlever qu'à coups de hache, ce qui, même dans les mers arctiques, est une vilaine manière de se déshabiller. Il fallait, au contraire, laisser un libre passage à la respiration, qui, devant un obstacle, se fût immédiatement congelée. L'interminable plaine se poursuivait avec une fatigante monotonie. Partout, des glaçons amoncelés sous des aspects uniformes, des hummocks dont l'irrégularité finissait par sembler régulière, des blocs fondus dans un même moule et des icebergs entre lesquels serpentaient de tortueuses vallées. On marchait la boussole à la main, les voyageurs parlaient peu. Dans cette froide atmosphère, ouvrir la bouche constituait une véritable souffrance. Des cristaux de glace aigus se formaient soudain entre les lèvres et la chaleur de la laine ne parvenait pas à les dissoudre. La marche restait silencieuse et chacun tâtait de son bâton ce sol inconnu. Les pas de Bell s'imprégnaient dans les couches molles. On les suivait attentivement et là où ils passaient, le reste de la troupe pouvait se hasarder à son tour. Des traces nombreuses d'ours et de renards se croisaient en tous sens. Mais il fut impossible, pendant cette première journée, d'apercevoir un seul de ces animaux. Les chasser eût été d'ailleurs dangereux et inutile. On ne pouvait encombrer le traîneau déjà lourdement chargé. Ordinairement, dans les excursions de ce genre, les voyageurs ont soin de laisser des dépôts de vivres sur leur route. Ils les placent dans des cachettes de neige à l'abri des animaux, se déchargeant d'autant pour leur voyage, et au retour, ils reprennent peu à peu ces approvisionnements qu'ils n'ont pas eu la peine de transporter. Hatteras ne pouvait recourir à ce moyen sur un champ de glace peut-être mobile. En terre ferme, ces dépôts eussent été praticables, mais non à travers les icefields, et les incertitudes de la route rendaient fort problématique un retour aux endroits déjà parcourus. À midi, Hatteras fit arrêter sa petite troupe à l'abri d'une muraille de glace. Le déjeuner se composa de pemmican et de thé bouillant. Les qualités revivifiantes de cette boisson produisirent un véritable bien-être, et les voyageurs ne s'en firent pas faute. La route fut reprise après une heure de repos. 20 miles environ avaient été franchis pendant cette première journée de marche. Au soir, hommes et chiens étaient épuisés. Cependant, malgré la fatigue, il fallut construire une maison de neige pour y passer la nuit. La tente eût été insuffisante. Ce fut l'affaire d'une heure et demie. Bell se montra fort adroit. Les blocs de glace, taillés au couteau, se superposèrent avec rapidité, s'arrondirent en forme de dôme, et un dernier quartier vint assurer la solidité de l'édifice, en formant clé de voûte. La neige, molle, servait de mortier. Elle remplissait les interstices. Et bientôt, durcie, elle fit un bloc unique de la construction tout entière. Une ouverture étroite, et par laquelle on se glissait en rampant, donnait accès dans cette grotte improvisée. Le docteur s'y enfourna, non sans peine, et les autres le suivirent. On prépara rapidement le souper sur la cuisine à esprit de vin. La température intérieure de cette snow house était fort supportable. Le vent qui faisait rage au dehors ne pouvait y pénétrer. « À table !» s'écria bientôt le docteur de sa voix la plus aimable. Et ce repas, toujours le même, peu varié mais réconfortant, se prit en commun. Quand il fut terminé, on ne songea plus qu'au sommeil. L'étoile de Mackintosh, étendue sur la couche de neige, préservait de toute humidité. On fit sécher à la flamme de la cuisine portative les bas et les chaussures. Puis trois des voyageurs, enveloppés dans leur couverture de laine, s'endormirent tour à tour sous la garde du quatrième. Celui-là devait veiller à la sûreté de tous et empêcher l'ouverture de la maison de se boucher, car faute de ce soin, on risquait d'être enterré vivant. Duke partageait la chambre commune. L'équipage de chiens demeurait au dehors, et après avoir pris sa part du souper, il se blottit sous une neige qui lui fit bientôt une imperméable couverture. La fatigue de cette journée amena un prompt sommeil. Le docteur prit son quart de veille à 3 heures du matin. L'ouragan se déchaînait dans la nuit, situation étrange que celle de ces gens isolés, perdus dans les neiges, enfouis dans ce tombeau dont les murailles s'épaississaient sous les rafales. Le lendemain matin, à 6 heures, la marche monotone fut reprise. Toujours même vallée, mêmes icebergs, une uniformité qui rendait difficile le choix des points de repère. Cependant, la température, s'abaissant de quelques degrés, rendit plus rapide la course des voyageurs, en glaçant les couches de neige. Souvent, on rencontrait certains monticules qui ressemblaient à des cairns ou à des cachettes d'esquimaux. Le docteur en fit démolir un pour l'acquis de sa conscience et n'y trouva qu'un simple bloc de glace. « Qu'espérez-vous, Claoboni ? » lui disait Hatteras. « Ne sommes-nous pas les premiers hommes à fouler cette partie du globe ?»« Cela est probable, » répondit le docteur. « Mais enfin, qui sait ?»« Ne perdons pas de temps en vaines recherches, » reprenait le capitaine. « J'ai hâte d'avoir rejoint mon navire quand même ce combustible si désiré viendrait à nous manquer. »« À cet égard, » dit le docteur, « j'ai bon espoir. »« Docteur, » disait souvent Hatteras, « j'ai eu tort de quitter le Forward. C'est une faute. La place d'un capitaine est à son bord, et non ailleurs. » « Johnson est là. »« Sans doute. Enfin, hâtons-nous, hâtons-nous. » L'équipage marchait rapidement. On entendait les cris de Simpson qui excitaient les chiens. Ceux-ci, par suite d'un curieux phénomène de phosphorescence, couraient sur un sol enflammé, et les châssis du traîneau semblaient soulever une poussière d'étincelles. Le docteur s'était porté en avant pour examiner la nature de cette neige, quand tout d'un coup, en voulant sauter un hummock, il disparut. Belle, qui se trouvait rapprochée de lui, accourut aussitôt. « Eh bien, monsieur Claoboni » cria-t-il avec inquiétude, pendant qu'Hatteras et Simpson le rejoignaient. « Où êtes-vous ? » « Docteur !» fit le capitaine. « Par ici, dans un trou !» répondit une voix rassurante. « Un bout de corde et je remonte à la surface du globe !» On tendit une corde au docteur qui se trouvait blotti au fond d'un entonnoir creux d'une dizaine de pieds. Il s'attacha par le milieu du corps et ses trois compagnons le halèrent, non sans peine. « Êtes-vous blessé ?» demanda Hatteras. « Jamais, il n'y a pas de danger avec moi !» répondit le docteur en secouant sa bonne figure toute neigeuse. « Mais comment cela vous est-il arrivé ?»« Eh, c'est la faute de la réfraction !» répondit-il en riant. « Toujours la réfraction !» J'ai cru franchir un intervalle large d'un pied et je suis tombé dans un trou profond de 10. Ah, les illusions d'optique, ce sont les seules illusions qui me restent, mes amis. Mais j'aurai de la peine à les perdre. Que cela vous apprenne à ne jamais faire un pas sans avoir sondé le terrain, car il ne faut pas compter sur ses sens. Ici, les oreilles entendent de travers et les yeux voient faux. C'est vraiment un pays de prédilection. Pouvons-nous continuer notre route ? Demanda le capitaine. Continuons, Hatteras, continuons. Cette petite chute m'a fait plus de bien que de mal. » La route au sud-est fut reprise. Et le soir venu, les voyageurs s'arrêtaient après avoir franchi une distance de 25 miles. Ils étaient harassés, ce qui n'empêcha pas le docteur de gravir une montagne de glace pendant la construction de la maison de neige. La lune, presque pleine encore, brillait d'un éclat extraordinaire dans le ciel pur. Les étoiles jetaient des rayons d'une intensité surprenante. Du sommet de l'iceberg, la vue s'étendait sur l'immense plaine, hérissée de monticules aux formes étranges. À les voir épars, resplendissant sous les faisceaux lunaires, découpant leurs profils nets sur les ombres avoisinantes, semblables à des colonnes debout, à des fûts renversés, à des pierres tumulaires, on eût dit un vaste cimetière sans arbres, triste, silencieux, infini, dans lequel 20 générations du monde entier se fussent couchées à l'aise pour le sommeil éternel. Malgré le froid et la fatigue, le docteur demeura dans une longue contemplation dont ses compagnons eurent beaucoup de peine à l'arracher. Mais il fallait songer au repos. La hutte de neige était préparée. Les quatre voyageurs s'y blottirent comme des taupes et ne tardèrent pas à s'endormir. Le lendemain et les jours suivants se passèrent sans amener aucun incident particulier. Le voyage se faisait facilement ou difficilement, avec rapidité ou lenteur, suivant les caprices de la température, tantôt âpre et glaciale, tantôt humide et pénétrante. Il fallait, selon la nature du sol, employer soit les mocassins, soit les chaussures de neige. On atteignit ainsi le 15 janvier. La lune, dans son dernier quartier, restait peu de temps visible. Le soleil, quoique toujours caché sous l'horizon, donnait déjà 6 heures d'une sorte de crépuscule, insuffisante encore pour éclairer la route. Il fallait la jalonner d'après la direction donnée par le compas. Belle prenait la tête, Hatteras marchait en ligne droite derrière lui, puis Simpson et le docteur, les relevant l'un par l'autre, de manière à n'apercevoir qu'Hatteras, cherchaient ainsi à se maintenir dans la ligne droite. et cependant, malgré leurs soins, il s'en écartait parfois de 30 ou 40 degrés. Il fallait alors recommencer le travail des jalons. Le 15 janvier, le dimanche, Hatteras estimait avoir fait à peu près 100 miles dans le sud. Cette matinée fut consacrée à la réparation de divers objets de toilette et de campement. La lecture du service divin ne fut pas oubliée. À midi, l'on se remit en marche. La température était froide, le thermomètre marquait seulement 32 degrés au-dessous de zéro, moins 36 degrés centigrades, dans une atmosphère très pure. Tout à coup, sans que rien pût faire présager ce changement soudain, il s'éleva de terre une vapeur dans un état complet de congélation. Elle atteignit une hauteur de 90 pieds environ et resta immobile. On ne se voyait plus à un pas de distance. Cette vapeur s'attachait aux vêtements qu'elle hérissait de longs prismes aigus. Les voyageurs, surpris par ce phénomène du Frostheim, n'eurent qu'une pensée d'abord, celle de se réunir. Aussitôt, ces divers appels se firent entendre. « Oh, Simpson ! Bell, par ici ! Monsieur Klauboni ! Docteur ! Capitaine, où êtes-vous ? » Les quatre compagnons de route se cherchaient, les bras étendus dans ce brouillard intense qui ne laissait aucune perception au regard. Mais ce qui devait les inquiéter, c'est qu'aucune réponse ne leur parvenait. On eût dit cette vapeur impropre à transmettre les sons. Chacun eut donc l'idée de décharger ses armes afin de donner un signal de ralliement. Mais si le son de la voix paraissait trop faible, les détonations des armes à feu étaient trop fortes, car les échos s'en emparèrent, et répercutées dans toutes les directions, elles produisirent un roulement confus, sans direction appréciable. Chacun agit alors suivant ses instincts. Hatteras s'arrêta et, se croisant les bras, attendit. Simpson se contenta, non sans peine, de retenir son traîneau. Bell revint sur ses pas, dont il rechercha soigneusement les marques avec la main. Le docteur, se heurtant au bloc de glace, tombant et se relevant, alla de droite et de gauche, coupant ses traces et s'égarant de plus en plus. Au bout de 5 minutes, il se dit « Cela ne peut pas durer. Singulier climat. Un peu trop d'imprévus, par exemple. On ne sait sur quoi compter, sans parler de ces prismes aigus qui vous déchirent la figure. « Ah oh, ah oh, capitaine » cria-t-il de nouveau. Mais il n'obtint pas de réponse. À tout hasard, il rechargea son fusil et malgré ses gants épais, le froid du canon lui brûlait les mains. Pendant cette opération, il lui sembla entrevoir une masse confuse qui se mouvait à quelques pas de lui. « Enfin » dit-il, « Hatteras, Bell, Simpson, est-ce vous ? Voyons, répondez !» Un sourd grognement se fit entendre. « Aïe !» pensa le bon docteur. « Qu'est-ce que cela ?» La masse se rapprochait. En perdant leur dimension première, ses contours s'accusaient davantage. Une pensée terrible se fit jour à l'esprit du docteur. « Un ours !» se dit-il. En effet, ce devait être un ours de grande dimension. Égaré dans le brouillard, il allait, venait, retournait sur ses pas, au risque de heurter ses voyageurs dont certainement il ne soupçonnait pas la présence. « Cela se complique, » pensa le docteur en restant immobile. Tantôt, il sentait le souffle de l'animal qui, peu après, se perdait dans ce Frostheim. Tantôt, il entrevoyait les pattes énormes du monstre battant l'air, et elles passaient si près de lui que ses vêtements furent plus d'une fois déchirés par des griffes aiguës. Il sautait en arrière, et alors la masse en mouvement s'évanouissait à la façon des spectres fantasmagoriques. Mais en reculant ainsi, le docteur sentit le sol s'élever sous ses pas. Cédant des mains, se cramponnant aux arêtes des glaçons, il gravit un bloc, puis deux, il tâta du bout de son bâton. « Un iceberg, se dit-il, si j'arrive au sommet, je suis sauvé. » Et, ce disant, il grimpa avec une agilité surprenante à 80 pieds d'élévation environ. Il dépassait de la tête le brouillard gelé dont la partie supérieure se tranchait nettement. « Bon !» se dit-il, et portant ses regards autour de lui, il aperçut ses 3 compagnons émergeant de ce fluide intense. « Hatteras, Monsieur Klauboni, Bell, Simpson !» Ces 4 cris partirent presque en même temps. Le ciel, allumé par un magnifique halo, jetait des rayons pâles qui coloraient le Frostheim à la façon des nuages, et le sommet des icebergs semblait sortir d'une masse d'argent liquide. Les voyageurs se trouvaient circonscrits dans un cercle de moins de 100 pieds de diamètre. grâce à la pureté des couches d'air supérieures, par une température très froide, leurs paroles s'entendaient avec une extrême facilité, et ils purent converser du haut de leurs glaçons. Après les premiers coups de fusil, chacun d'eux, n'entendant pas de réponse, n'avait eu rien de mieux à faire que de s'élever au-dessus du brouillard. « Le traîneau !» cria le capitaine. « À 80 pieds au-dessous de nous !» répondit Simpson. « En bon état ?»« En bon état !»« Et l'ours ?» demanda le docteur. « Quel ours ?» répondit Bell. « L'ours que j'ai rencontré, qui a failli me briser le crâne. »« Un ours ?» fit Hatteras. « Descendons alors. »« Mais non !» répliqua le docteur. « Nous nous perdrions encore, et ce serait à recommencer. »« Et si cet animal se jette sur nos chiens ?» dit Hatteras. En ce moment, les aboiements de Duke retentirent. Ils sortaient du brouillard et ils arrivaient facilement aux oreilles des voyageurs. « C'est Duke !» s'écria Hatteras. « Il y a certainement quelque chose. Je descends. » Des hurlements de toute espèce sortaient alors de la masse, comme un concert effrayant. Duke et les chiens donnaient avec rage. Tout ce bruit ressemblait à un bourdonnement formidable, mais sans éclat, ainsi qu'il arrive à des sons produits dans une salle capitonnée. On sentait qu'il se passait là, au fond de cette brume épaisse, quelque combat invisible, et la vapeur s'agitait parfois comme la mer pendant la lutte des monstres marins. « Duke ! Duke !» s'écria le capitaine en se disposant à rentrer dans le Fosterheim. « Attendez, Hatteras, attendez !» répondit le docteur. « Il me semble que le brouillard se dissipe. » Il ne se dissipait pas, mais il baissait comme l'eau d'un étang qui se vide peu à peu. Il paraissait rentrer dans le sol où il avait pris naissance. Les sommets resplendissants des icebergs grandissaient au-dessus de lui. D'autres, immergés jusqu'alors, sortaient comme des îles nouvelles. Par une illusion d'optique, facile à concevoir, les voyageurs, accrochés à leurs cônes de glace, croyaient s'élever dans l'atmosphère tandis que le niveau supérieur du brouillard s'abaissait au-dessous d'eux. Bientôt, le haut du traîneau apparut, puis les chiens d'attelage, puis d'autres animaux au nombre d'une trentaine, puis de grosses masses s'agitant, et Duke sautant, dont la tête sortait de la couche gelée et s'y replongeait tour à tour. « Des renards !» s'écria Bell. « Des ours !» répondit le docteur. « 1, 3, 5 !»« Nos chiens, nos provisions !» fit Simpson. Une bande de renards et d'ours ayant rejoint le traîneau faisait une large brèche aux provisions. L'instinct du pillage les réunissait dans un parfait accord. Les chiens aboyaient avec fureur, mais la troupe n'y prenait pas garde et la scène de destruction se poursuivait avec acharnement. « Feu !» s'écria le capitaine en déchargeant son fusil. Ses compagnons l'imitèrent, mais, à cette quadruple détonation, les ours, relevant la tête et poussant un grognement comique, donnèrent le signal du départ. Ils prirent un petit trot que le galop d'un cheval n'eût pas égalé, et suivis de la bande de renards, ils disparurent bientôt au milieu des glaçons du nord.